Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Fiona Mill. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette sixième saison, le podcast il est soutenu par la NEF, qui est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est donc la banque des 2030 Glorieuses. Cette banque elle est coopérative, ça c'est ce que je vous disais en introduction, parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est aussi éthique, parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et puis enfin, elle est transparente. Et ça, banque et transparence, normalement ça va pas trop ensemble. Et donc elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Moi, c'est cette banque qui me permet d'interviewer plein de projets qui participent aux 2030 Glorieuses. Et si jamais vous, vous avez aussi envie d'être fier de votre banque, ouvrez un livret à la NEF, ça c'est dit, c'est la petite intro des 2030 Glorieuses. Aujourd'hui, moi je suis heureux de te donner la parole, Fiona. Fiona Mill, tu es présidente de l'association de préservation de la montagne Mountain Wilderness France. Tu es aussi consultante en résilience territoriale et tu es gérante d'un gîte en Belledonne. Tu viens enfin de publier « Réinventons la montagne Alpes 2030, un autre futur est possible » aux éditions du Faubourg. On va parler un peu de tout ça. Ensemble, on va évoquer comment se projeter dans l'avenir avec lucidité et désir. J'aime bien cette phrase que j'ai retrouvée dans une de tes interviews. Mais pour commencer cet échange, Fiona, imagine, nous nous rencontrons fortuitement en train de randonner autour des lacs des Sept-Lots et vient la question fatidique. Ah ouais, mais alors toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu me répondrais? Eh ben, du coup, je dirais que je suis habitante de Belledonne parce qu'on serait au lac des Sept-Lots. Donc, je dirais que je suis une voisine de Belledonne parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de randonner autour du lac du Crozet. Et du coup, je suis attachée à cette montagne. Et puis, je dirais peut-être aussi, du coup, que je suis engagée pour la montagne et engagée pour à la fois pour la découverte de la montagne et puis pour la préservation de cette montagne. Donc, tu résides en Isère et tout tourne autour de toi. Enfin, tout tourne autour de la montagne pour toi, j'ai l'impression. Oui, ben en effet, pour moi, la montagne, c'est pas là d'où je viens. Je suis pas née dans ce territoire, mais ça a vraiment été mon lieu de choix, ma destination de vie, en fait, la montagne. Et aujourd'hui, c'est l'endroit où moi je me sens bien, où je me sens à ma juste place. Et je pense que la montagne, elle m'apporte tellement à titre personnel que à la fois j'ai envie de la partager pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore et puis j'ai aussi envie de la préserver parce que c'est une richesse incroyable ces territoires de haute montagne et des fois on a tendance quand même un peu à oublier la richesse qu'on a autour de nous. Et là, tu tombes sur une personne un peu relou, pointilleuse, peut-être qui vient chercher la petite bête et qui te dit « Mais attends, moi je croyais que la montagne, ça apaisait, ça calmait. » Et puis en fait, t'es présidente d'une asso, t'es consultante, tu gères un gîte, t'écris des livres. Quand est-ce que tu dors et que tu te balades et que tu profites un peu des belles vues que tu as autour de toi, Fiona? Tu dis quoi, toi? Ouais, c'est vrai que c'est tout le paradoxe. À la fois, je suis convaincue que notre société, elle a besoin de ralentir, et en même temps, moi, je suis aussi des fois dans une hyper rapidité liée à la question de l'engagement. Et donc, je suis toujours en train de chercher ce juste équilibre. Et je pense qu'à la fois, En effet, je suis beaucoup dans l'engagement et du coup, dans l'intensité, beaucoup d'heures passées à me mobiliser pour monter le Wilderness, dans mon travail, ça va très vite. Mais si je fais tout ça aussi, c'est parce que je pense que à la fois, il y a quand même des enjeux qui sont face à nous et qui nécessitent de se bouger. Et puis, en même temps, quand je vais en montagne, moi, j'y vais vraiment. La montagne, ça me permet de, bah, justement, de me reconnecter au rythme de la nature. Pour le coup, de débrancher avec l'hyper rapidité de la société. Et là, comme ça, j'essaie de trouver cet équilibre. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai la chance de vivre à 1150 mètres d'altitude. Là, quand je te parle, je suis face à des sommets qui avoisinent les 2004. Bah, rien qu'être là, assise là, à cet endroit-là, ça me permet de me poser, même si je sais que ensuite la journée va dépoter parce qu'en effet, il y a des gros défis devant. Allez, je te titille, hein, mais je suis le premier aussi à devoir en permanence jongler sur accélération, ralentissement, zone d'improductivité et les multiples envies qui m'animent au quotidien avec le podcast, les ateliers de 2030 Glorieuses, des livres que j'écris à côté et puis plein de choses que j'ai envie de lancer. Et donc, je sais que parfois, je suis un peu aussi presque triste que les journées ne fassent que 24 heures. Donc, vraiment, je me posais un peu la question à moi-même d'une certaine manière en t'adressant sur ce sujet particulier. Je continue quand même parce que bon, peut-être qu'on arrivera à un moment à mettre plus en place des zones de décroissance dans nos vies privées, quotidiennes, personnelles. Et à la fois, si on prend le sujet un peu plus macro, moi j'aime bien essayer de reprendre le mot décroissant et de l'appliquer à ce qu'il est vraiment. C'est pas du coup le mode de vie que nous, entre guillemets, je te mets dans le même sac que moi, ça y est, les écolos, on essaye de mettre en place qui est décroissant, mais c'est bien notre société actuelle qui est décroissante de plein de choses. Et moi, la question à laquelle je voulais te soumettre, c'est à quelle décroissance de notre société actuelle, parce que décroissante de liens, de sens, de contemplation, de beauté, j'en sais rien, tout ce que tu veux, toi, à quelle décroissance tu t'adresses en ce moment par tes actions? Peut-être comment on décroît un rapport de consommation au monde et on croit à un rapport plus sensible à ce même monde. Donc en effet, comment on va vers plus de liens et de qualité et moins de superflu. Moi, c'est ça qui me parle. En effet, la notion de décroissance, elle peut être contraire à ce qu'est la nature. La nature, elle croît, elle se régénère. L'humain a besoin de croître et de se régénérer aussi. Par contre, il y a clairement des choses qui faut qu'on arrive à décroître. Et je pense que la montagne, en tout cas, elle nous aide peut-être à s'extraire des fois d'un rapport consumériste, parce que finalement, quand on se trouve en montagne, tout y est, tout est là, et dans des choses d'une simplicité évidente, on vit une intensité incroyable. Et ça me parle énormément si je fais le lien avec la question de la décroissance et de la rapidité et de la vitesse et ce terme d'intensité. Tu vois, quand je vais en montagne, si je pars randonner à la journée, peut-être me poser à un moment au bord d'un lac, voire même bivouaquer, je vais vivre une expérience qui, un moment qui va être d'une force pour moi qui est impressionnante. Et pour autant, je suis pas du tout dans la rapidité, je suis pas du tout dans la consommation, je suis pas du tout dans la croissance, je suis dans ce moment-là et tout est là. Et ça c'est rare en fait. Du coup la montagne elle m'inspire aussi beaucoup sur ces questions de société parce que je pense que la montagne elle nous apporte des choses, elle nous nourrisse en nous, dans nos réflexions et elles viennent questionner après quand on retourne dans la vallée. Notre rapport quand même à la vie et il y a des choses, des fois on s'attache au quotidien et après deux jours en montagne on se rend compte que tout ça était bien futile. Le nombre de discussions où je peux avoir avec des amis où on commence la randonnée en se disant ah bah dis donc les questions de salaire etc, tu te rends compte ça fait 5 ans que je suis dans tel boulot, j'arrive pas à avoir une augmentation de salaire etc, puis au bout de 2 jours on redescend et on est dans un tout autre registre Parce que finalement, c'est la croissance, le plus, le mieux. Il y a un tout autre, ça a un tout autre sens quand on est dans ces territoires d'altitude. J'aime bien cette notion de croissance d'intensité, ça me va bien quand on parle de la montagne, à côté de laquelle je me sens toujours très humble. Je trouve que la montagne, elle t'écrase aussi un peu, hein. Elle te rappelle ta petitesse, elle te rappelle aussi un peu ta futilité d'une certaine manière. Et donc, tu as raison qu'elle permet de remettre à sa juste place tout un tas de questions, tout un tas de préoccupations, tout un tas de projections, et puis de s'épurer, de se nettoyer d'une certaine manière pour redonner l'importance à ce qu'il y en a vraiment. Et donc, cette croissance de l'intensité, ça me plaît bien, cette croissance de la. Et à la fois, du coup, de la petitesse un peu qu'on a et qu'on oublie aussi en se rajoutant, en se remplissant nos vies pour leur donner plus d'importance que ce qu'elles ont réellement. Et à la fois, elles sont toutes très importantes, nos vies. On a parlé de Mountain Wilderness. On ne va pas trop s'étendre sur cette activité dans la suite des 2030 Glorieuses, sur lesquelles moi, j'aimerais bien t'entendre, notamment sur ton livre. Et à la fois, c'est quand même une grande partie de ton implication de ce qui fait qu'on est en train de se parler aujourd'hui. Ça fait longtemps maintenant que tu es présidente bénévole de cette association. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots quand même vos actions, votre vision, la mission que vous portez avec MV? On dit MV, hein, c'est ça, je crois que les puristes disent ça. Allez, raconte-moi s'il Tout te plaît. Tout à fait. Donc Mountain Wilderness, c'est un nom anglophone parce que c'est une association qui est internationale. Donc moi, je suis présidente au niveau France et l'association, elle a plus de 35 ans et son défi, c'est de trouver l'équilibre entre la préservation de la montagne et la montagne à vivre. Donc, comment à la fois on vit en montagne à l'année, nos montagnes restent accueillantes, restent visitées, et en même temps, comment cette montagne habitée et traversée, elle respecte aussi cette montagne sauvage, parce que la montagne, c'est aussi un lieu habité par des autres humains. Ce sont encore des territoires où justement la trace humaine peut être et plus légère que dans nos vallées. Bref, c'est aussi un joyau, cette montagne, parce que justement la montagne, ça a toutes ses spécificités qui font que ce sont des territoires qui tendent encore un peu vers le sauvage. Et même si bien évidemment l'impact humain est désormais partout, et c'est vraiment cet état d'esprit d'équilibre qu'on cherche à travailler chez Mountain Wilderness. Et moi, ça me parle énormément parce que je me dis que au niveau national, au niveau international, en fait, c'est cet équilibre qu'on est toujours en permanence de chercher. Comment on vit dans le respect des limites planétaires, comment on vit dans le respect de l'autre, qu'il soit humain, pas humain, comment on vit avec. Et je trouve que faire cet exercice à l'échelle de la montagne, si on y arrive, ça peut être profondément inspirant au-delà des territoires de montagne. Tu le fais à travers, je dis tu, mais en fait, vous le faites à travers tout un tas d'actions, de sensibilisation, des actions coup de poing. Et en ce moment, vous êtes mobilisé notamment autour. Ah, peut-être qu'il faut utiliser même le mot contre les JO de 2030. Raconte un peu vos grandes missions, vos grands chantiers actuels, s'il te plaît. Alors, c'est vrai qu'on a tout un panel d'activités chez Mountain Wilderness. À la fois, on va dénoncer des projets qui nous semblent justement aller à l'encontre de cet équilibre. Ça peut être des projets d'aménagement déraisonné, comme continuer à construire par exemple des infrastructures touristiques sur des glaciers, ou construire des nouveaux aménagements, ce qu'on appelle des nouveaux lits touristiques dans des territoires où les lits sont déjà majoritairement inoccupés. Donc des fois, ça va être dénoncé. C'est aussi accompagner les nouvelles manières de vivre la montagne, donc accompagner les initiatives, qu'elles viennent des pratiquants de la montagne, des habitants, des associations, des collectifs, et ça, je pense qu'on en parlera beaucoup en discutant du livre. Et puis c'est aussi sensibiliser, donc on est sensibiliser tout le monde, à la fois la population, les enfants, les adultes, mais aussi les élus, les entreprises. Enfin, vraiment, pour nous, ce qui compte chez Mountain Wilderness, c'est d'embarquer et de réussir à travailler ensemble sur tous ces sujets. Embarquer et faire travailler ensemble, c'est... Ah, vas-y, continue, Fiona, pardon. Tu parlais des jeux d'hiver. En effet, c'est un projet sur lequel on se mobilise parce que ces jeux d'hiver, à la fois, c'est un événement sportif de quelques semaines, mais c'est bien plus que ça. Ces jeux d'hiver, c'est une vision de la montagne. Et pour nous, en 2030, c'est pas responsable de faire rêver des enfants de France, des vallées de montagne et même du monde entier autour d'une montagne skiable dans des territoires où la neige ne cesse de manquer de plus en plus et où on a un impératif de transition. Donc là, on s'est dit, ces jeux, ils vont avoir des impacts environnementaux directs, mais surtout, ils risquent de nous enfermer dans un imaginaire qui n'est vraiment pas souhaitable. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise autant autour de ces jeux parce qu'ils en disent beaucoup sur notre rapport à la montagne, ces jeux d'hiver. Et d'ailleurs, avec Montagne Wilderness, vous avez lancé une grande consultation un peu partout en France sur la montagne en 2030 et vous avez fait appel aux 2030 Glorieuses pour organiser des ateliers qui ont nourri cette consultation, des ateliers directement animés dans les stations. Est-ce que toi, tu peux me dire un peu ce que tu en as pensé et puis peut-être me dire où vous en êtes avec la grande consultation, s'il te plaît ? Alors, déjà, la grande consultation, on ne l'a pas lancée qu'en station, Julien. On l'a lancée vraiment pour tous les territoires de montagne. Et pour nous, ça, c'est important. C'est vraiment comment on pense le devenir des montagnes au-delà du devenir des stations. Donc, en effet, on s'est dit, il y a un enjeu de débat dans les territoires de montagne, et il faut que ce débat il puisse avoir lieu dans les territoires, et il faut qu'il puisse avoir lieu aussi au niveau national, pour qu'on puisse peut-être se définir aussi un nouveau cap collectif, une nouvelle vision montagne qui va au-delà d'organiser les Jeux d'hiver. Donc, il y a eu cette consultation en ligne où la question, elle était très, très simple. Hein. C'était quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030 ? Donc, très simple, mais alors une mobilisation qui est inédite pour le milieu montagne en 2 mois, incroyable. Ouais, même, nous, on ne s'attendait pas à une mobilisation pareille. Il y a 25 000 participants, 435 000 votes. Enfin, ça montre que le sujet montagne, il mobilise bien évidemment les montagnards et il mobilise au-delà. Donc ça, cette consultation en ligne, elle nous a permis aussi de contribuer au débat public sur l'avenir de nos montagnes en laissant la voix aux citoyennes et citoyens sur leurs envies, leurs besoins, leurs projections en fait dans ces territoires. Mais en effet, on voulait pas s'arrêter là parce que pour nous, le débat, il peut pas se faire qu'en ligne. On a vraiment besoin de débattre dans nos territoires de montagne. Et donc, avec l'association, on réfléchissait sur comment organiser des débats dans les territoires. Et puis on s'est dit, mais en ce moment, il y a un enjeu en montagne, c'est qu'il y a de la peur, il y a de l'inquiétude qui est légitime, qui est plus que légitime quand on voit l'effondrement de nos glaciers, quand on voit l'impact du changement climatique sur l'économie touristique, sur notre agriculture, le dépérissement des forêts, il y a de quoi s'inquiéter. Mais par contre, si on ne fait que s'inquiéter, ça va manquer de souffle pour pouvoir penser l'avenir. C'est lucidité et désir. En effet, on a besoin de marcher sur les deux jambes. Et donc, on s'est dit, mais comment on marche sur la deuxième jambe, qui est celle du désir ? Comment on concilie justement lucidité et désir ? Et là, on connaissait 2030 Glorieuses et on s'est dit, mais on a besoin de ça dans les territoires de montagne. On a aussi besoin de se projeter dans ce qui nous donne envie et se projeter à l'échelle de son territoire. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans mon massif, donc dans Belledonne, mais aussi dans d'autres villages de montagne, au pied de stations, par exemple à M-la-Plagne, donc au bas de la Plagne. Bon, en fait, j'ai senti à quel point ces ateliers, ils donnaient de l'élan, ils donnaient de l'envie, et puis surtout, ils étaient révélateurs d'une envie qui existe déjà. Parce que moi, ce qui me frappe, que ce soit dans les ateliers 2030 Glorieuses ou dans les rencontres que j'ai pu faire grâce au livre, là, depuis novembre, donc en 6 mois, j'ai fait 60 rencontres dans les territoires de montagne. Donc voilà, ça brasse du monde. Et ce qui me... Merci, mais surtout ce qui me motive, moi, c'est l'envie des habitants. Il y a de la peur, mais il n'y a pas que de la peur, il y a beaucoup d'envie. Et en gros, on en a sous le pied. Il y a de l'énergie. Par contre, comment on accompagne cette énergie? Et je pense que la force des ateliers 2030 Glorieuses, c'est de se dire, mais finalement, sur son territoire, moi, j'ai envie de ça. Je me rends compte que mon voisin, il a envie de ça. Et puis tel voisin aussi. Et en fait, si on s'y mettait collectivement, rapidement, peut-être qu'on pourrait y arriver. Et ces ateliers, ils sont créateurs de liens, créateurs de perspectives communes. Et pour moi, la voie qui permet de penser des 2030 glorieuses, elle est là, quoi. C'est dans justement embarquer tout le monde sur des scénarios qui soient très lucides, mais aussi désirables. Pour terminer cette première partie, Fiona, dans ton livre, toi, tu envisages trois scénarios pour les montagnes, dont un scénario plus enthousiasmant où la fête, elle est locale, elle est durable, elle est solidaire et donc elle l'emporte sur la supposée fête des JO, je mets des R guillemets en disant fête des JO, qui est prévue en 2030 dans nos montagnes françaises. Dis-moi pourquoi tu voulais partager des projections qui donnent envie plus que l'idée d'avoir des JO en France à nouveau dans quelques années. Pourquoi c'est important de rentrer sur ce terrain de la désirabilité, s'il te plaît? C'est vrai que quand on écrit un livre sur l'avenir de la montagne et qu'on prend comme port d'entrée l'organisation des Jeux d'hiver et qu'on les critique, moi, ce qu'on me répond, c'est bah, du coup, Fiona, t'aimes pas la fête, t'aimes pas le sport, t'aimes pas le collectif. Or, j'aime les trois. Donc, par contre, je me suis dit, je pense qu'on peut s'autoriser à réinventer la montagne, mais peut-être aussi à réinventer la manière d'organiser des fêtes en montagne. 2030, j'aimerais beaucoup que ça soit aussi une année festive pour nos territoires de montagne, mais pas à n'importe quelles conditions, pas n'importe quelle fête. Puis j'ai envie de dire, plutôt que fêter un monde qui est en train de disparaître, eh bien, j'ai plutôt envie d'accompagner, de fêter un monde qui est en train d'éclore. Et donc, dans ce chapitre 3, en effet, je me suis autorisée à rêver d'une autre fête pour nos montagnes en 2030. Donc, cette grande fête, elle s'appelle les Montagnardes. Et puis, on va valoriser les montagnes dans toutes leurs dimensions. Bien évidemment, la dimension sportive, parce qu'on peut avoir un rapport sportif à la montagne, mais peut-être pas dans, j'ai envie de dire, des pratiques sportives qui sont de plus en plus hors sol. Moi, j'ai pas envie de rêver d'épreuves de ski sur de la neige artificielle. Par contre, j'ai peut-être envie de rêver d'épreuves sportives qui soient adaptées aux enjeux de demain en montagne. J'ai peut-être pas envie de rêver d'une fête où on explose tous notre budget carbone pour venir faire 2 semaines de sport dans des stations. Mais j'ai peut-être envie de rêver que des athlètes de tout le continent européen essayent de venir par des moyens, j'ai envie de dire, créatifs en France pour faire des fêtes de montagne. Donc, je les ai imaginés arriver en train, à vélo, même à cheval. Enfin, voilà, je me suis dit, et si on s'autorisait à réinventer une fête de nos montagnes, et puis potentiellement avec une dimension sportive, mais pas que, mais une fête qui nous donne envie. Et je pense que cette fête, elle pourrait être en plus construite avec les habitants. Donc, c'est vraiment se dire, mais comment on s'appuie aussi sur tout le réseau associatif, le réseau culturel, les refuges, les fédérations, par exemple, les fédérations, les clubs de montagne. Comment on construit une fête avec les habitants plutôt que plaquer un grand événement un peu hors sol sur nos territoires de montagne? Moi, ça, je me suis permise d'en rêver en écrivant le livre. Et ce que je suis très contente, c'est que finalement, je sens que ça fait écho. Et là, je suis en train de me dire que on va peut-être lancer quelque chose parce que souvent, quand je fais des rencontres dans les territoires, que je présente le livre et que celles et ceux qui l'ont lu me disent « Mais moi, les sportivades, les montagnardes, ça me parle. Et chiche si on y allait. Pourquoi on n'y va pas ?» Et donc, je me dis, là, Fiona, va peut-être falloir... alors, ça va me rajouter quelque chose à ma to-do list, mais peut-être qu'il y a une dynamique à saisir. Et je trouverais ça vraiment génial de se dire, mais finalement, il y a lutter contre quelque chose, mais c'est aussi surtout se mobiliser pour un événement qui nous donne encore plus envie. Eh bien, allez, on va en parler de tout ça. Fiona, ça y est, j'ai envie de parler des sportivades, des montagnards. On va trancher, il va falloir trancher en 2030 glorieuse sur des mots, peut-être pas d'ailleurs. Avant ça, il y a toujours une petite bulle, une petite respiration qui se fait à travers la lecture d'un passage inspirant, parce que je suis persuadé, moi, que en fait, et je regarde à chaque fois que je dis ça, ma bibliothèque qui est juste à côté de moi, que dans nos livres, il y a des fenêtres vers des utopies, vers des 2030 glorieuses, et que parfois, c'est en les regardant comme ça qu'on se rend compte que tout était déjà là. Et tu viens nous faire un cadeau justement d'une de ces utopies, des valeurs que tu aimerais voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Fiona ? Alors, je vais lire un extrait d'un livre d'un auteur canadien, Richard Vagamez, qui s'appelle Starlight. Moi, j'ai découvert ce livre il y a quelques mois et il m'a beaucoup parlé parce que c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui fuit en fait une existence, j'ai envie de dire, de misère, de violence, avec un homme immonde qui les fait souffrir et qui vont avoir la chance d'une rencontre avec un humain qui va les accueillir, Franklin, mais aussi une rencontre avec la nature. Et dans ce passage, dans tout ce livre, on voit aussi à quel point cette immersion dans la nature, elle peut nous permettre de nous construire, et là, dans ce cas présent aussi, de se reconstruire. Et donc, c'est cet extrait que j'avais envie de vous partager. Elle était seule. Il avait gardé Winnie et disparu en silence derrière elle. Elle percevait leur absence. Sentir la nature, c'était comme y être épinglé, comme y être accroché tel un nouveau spécimen, dont l'espace, l'habitat, la fonction sont inconnus. Ce panorama ébranlé par sa complexité. Elle s'obligea à respirer, se concentra là-dessus, jusqu'à prendre conscience que ses inspirations gagnaient en profondeur et en longueur, qu'une impression de calme se logeait dans son ventre, que son champ de vision s'était élargi et comblé de détails. Sa périphérie couvrit à la fois le haut, le bas, la gauche, la droite et devant. Elle n'avait jamais vu ainsi auparavant. Elle resta là, jusqu'à ce qu'elle ait la certitude d'avoir vu l'espace dans son intégralité, de pouvoir reconnaître ce petit territoire si elle le revoyait, de savoir le peindre, peut-être, sans rien en oublier. Puis, elle se mit à marcher. Avancer ainsi produisait une palette étourdissante de détails dans sa périphérie plus ample. Le vertige était presque accablant. Elle s'arrêta, s'assit, respira et s'obligea à se calmer. Quand cette sensation fut passée, elle se releva, rajusta sa focale et se mit en mouvement. L'emprise du temps cessa. Les distances devinrent hors de propos. La vitesse fut sans valeur. Elle marchait, elle voyait, elle reconnaissait, elle redevenait animale. Merci Fiona pour cette lecture et on va tout de suite enchaîner avec le voyage en 2030 glorieuse et tu nous as bien mis dans l'ambiance. à la fois dans le ralentissement, la reconnexion, un peu le recentrage aussi sur comment le milieu naturel il peut nous permettre justement de redevenir animal. On est en 2030 glorieuse, Fiona, attention, tout n'est pas réglé, tout n'est pas réussi, et à la fois on a réussi à se mettre à la hauteur des enjeux. On dit que l'humanité est enfin entrée dans l'âge adulte et qu'on regarde droit dans les yeux toutes les grandes questions de notre siècle, entouré de nos chiens parfois qui aboient. Je ne sais pas si les gens entendront ça dans le podcast ensuite, mais on entendait ton chien derrière toi. Les 2030 glorieuses, comme je te le disais, c'est pas tout est résolu, tout est magnifique. On a plein de chaos, plein de renoncements, plein de moments durs, difficiles, et à la fois on s'est retroussé les manches, on va dans le bon sens. Et donc la perspective d'une humanité qui reprend sa place parmi le vivant pour y vivre de manière saine, sereine, durable, est à nouveau à portée de main. On va parler des montagnes, forcément, en 2030 glorieuse. On en parle au présent, Fiona. Attention, pas de conditionnel, idéalement pas de futur, à moins que tu parles des 2040-2050 glorieuses. Et la première question que je te pose, si tu le veux bien, tu regardes sans doute par la fenêtre, peut-être que tu es encore à l'époque dans la maison où tu habitais à l'époque de l'interview. Qu'est-ce que tu vois, toi, depuis ta fenêtre ? Alors moi, je suis toujours à Frédière, dans ma maison, et je vois des enfants qui jouent dehors, qui sont en train, je crois, de jouer là dans la forêt. Et en fait, c'est toute une classe de CM2 de la ville de Domaine. C'est la ville qui est juste en bas de la vallée, qui est montée passer la journée dans la forêt de Frédière, à la fois pour apprendre, je crois, pour s'amuser, pour entendre le son des oiseaux. Je crois que oui, c'est ça que je vois, parce que depuis 2025, Frédière, c'est devenu un camp de base. C'est devenu un camp de base montagne. Et donc, régulièrement, on accueille des classes de la vallée, des enfants qui jusqu'ici, n'étaient même pas venus, en fait, hein, avant 2025. Ils connaissaient pas les montagnes qui étaient autour de chez eux. Et puis depuis que Frédière, c'est devenu un camp de base, ils ont appris à connaître cette montagne. Puis je vois qu'ils prennent plaisir, en tout cas. Et puis, il me semble que ce soir, ils partent avec un accompagnateur montagne là-haut. Et puis, ils vont vivre leur première nuit en bivouac. Et moi, je sais à quel point ma première nuit en bivouac, elle m'a marquée. Donc là, je les vois et je me dis que je les envie. Et puis surtout que je pense que ça va sûrement leur révéler des choses, ça va sûrement les émerveiller, ça va peut-être leur faire peur aussi un peu d'être là-haut avec peut-être un peu de froid, avec un peu de vent, mais je pense qu'ils vont passer une nuit remarquable. Ouais, le gîte est un vrai camp de base pour les jeunes et pour les moins jeunes. Vous avez un petit village de tiny house qui est dans la forêt juste à côté du gîte. De nombreuses personnes, parfois pas encore trop habituées aux montagnes, viennent s'immerger en nature. Hein. Oui, c'est vrai que déjà en 2025, ce petit hameau de Frédière, il y avait des habitants à l'année. C'était un hameau habité. Il y avait plus de 100 000 personnes qui passaient chaque année pour aller en montagne. Mais aujourd'hui, elles ne font pas que passer. Elles se posent aussi ici pour apprendre à mieux connaître les montagnes qui sont autour de nous, ses habitants, les oiseaux, les mammifères, les gardiens de refuge, les bergers, les gardes de l'ONF. Et en fait, on se rend compte que depuis qu'on a investi dans l'accompagnement humain, depuis qu'il y a vraiment eu un camp de base avec plein d'activités pédagogiques, culturelles, naturalistes, on se rend compte aussi que ça fait du bien. Ça fait du bien aux personnes qui viennent, ça fait du bien aussi à la montagne, parce que d'un coup, on est aussi des fois dans... Il peut y avoir du monde, mais on va en montagne, on va dire, avec... en ayant tous nos sens d'ouvert et du coup véritablement dans une démarche de respect. Et ce qui me plaît là, c'est que je vois qu'en 2030, cette initiative, elle existe à Frédière, mais elle existe aussi dans d'autres endroits dans Belledonne. Et je crois même qu'en Chartreuse et en Vercors, Bah, y a des colonies de vacances aussi qui ont repris de la vivacité. Et là, je me dis, waouh, on a parcouru un sacré chemin depuis 5 ans. Ouais, c'est fou ce que tu me dis. Alors après, les 2030 Glorious, tu dis qu'on y est dans 5 ans, ça peut être 2030, t'as raison, et en restant à cette époque-là, pour les autres, si jamais en plus ils veulent rêver un peu plus loin, à la fin de notre échange, ils pourront se dire, mais alors les 2035, les 2037, il n'y a pas de problème, les 2030 Glorious, c'est vraiment le début d'une époque qui s'ouvre. C'est fou de ce que tu me dis. Moi, je vois tout de suite là, l'image que j'avais des montagnes, c'était un parc d'attractions un peu à ciel ouvert, l'endroit de surconsommation où on venait faire nos malins avec nos gros SUV. Et nos 4x4 de 2 tonnes et demi et nos fringues à la mode qu'on changeait presque tous les ans pour rester 2 jours sur les pistes. Donc le changement est presque un peu brutal. Et moi, la question qui me vient forcément, c'est comment on est arrivé à cette transformation. Raconte-moi quels ont été les points de rupture, les moments de bascule. J'imagine qu'il n'y a pas eu un grand soir, mais il y a peut-être dans les livres d'histoire, dans quelques années, quelques moments clés qui seront racontés. Pour moi, ce qui a été déclencheur, ça a été les inquiétudes dans les stations de moyenne montagne, où ces stations, elles étaient tous en train de se dire, mais est-ce qu'on s'endette pour continuer à faire du ski, des tyroliennes, des pas dans le vide, tu vois, tous ces aménagements qu'on aimait bien faire dans les années 2010-2020, parce que c'était soi-disant ludique. Donc, est-ce qu'on continue à s'endetter là-dedans ou est-ce qu'on ose autre chose ? Et je me souviens qu'en 2026-2027, il y a eu pas mal d'initiatives, justement, dans des stations, des fois portées par des collectifs citoyens, mais des fois aussi par des élus, dans le cadre des élections municipales, qui se sont dit, mais comment on pense le devenir de notre station ? Et dans les stations de moyenne montagne, bah là, il y a des choses vraiment intéressantes qui ont émergé. Et je vois, bah, là, moi, je suis à Frédières, mais pas très loin, moi, je vois la station de Champs-Rousses. Et à Champs-Rousses aussi, d'ailleurs, maintenant, ils accueillent des enfants, ils font aussi des séjours de sport, mais aussi de découverte de la montagne. Et on voit que nos stations de montagne, sont devenues des portes d'entrée de la montagne. Et je pense que ça a été un déclencheur. Parce qu'à la fois, il y a eu de l'inquiétude. Fallait vraiment qu'on prenne un virage. Et en même temps, il y a eu de la créativité. Et ça, pour moi, ça a été un point d'appui. Le deuxième que je vois aussi, c'est que au niveau national, il y a eu quand même des initiatives législatives qui ont été portées sur l'éducation à la nature. On le voyait hein, déjà dans les années, au début des années 2000, et encore, il y avait des débats autour de la classe dehors, les classes vertes. En parallèle, on était en train de s'insurger du fait que près de 50% des gamins n'allaient pas jouer dehors dans leur semaine. Enfin, voilà, on commençait à se rendre compte que, ouais, on avait peut-être un problème sur notre relation à la nature, et notamment pour les enfants. Et je pense que il y a quand même eu cette mobilisation nationale. Je me souviens des propositions de loi, aussi des mobilisations qu'il y a eu avec des parents d'élèves, avec des profs. Ça s'est joué un peu à plusieurs échelles. Et puis, on est en 2030, les JO sont devenus complètement has-been. Tu as participé à ce mouvement avec des sortes de contre-JO qui ne se sont pas du tout appelés comme ça. D'ailleurs, raconte-nous un peu comment tu as réussi à lancer ces initiatives qui sont devenues une sorte de manière de rendre obsolètes ces anciens Jeux olympiques mondiaux surmédiatisés, dopés aux sponsors, les Coca, McDo, Heineken et consorts. Et tu vois, là, on est en juin 2030. C'est vrai que, les Jeux, ils ont quand même eu lieu, malheureusement. Ils ont eu lieu, mais par contre, moi, ces jeux, ils ont été déceptifs. Et où je suis rassurée, c'est que on n'a pas mis toute notre énergie que dans ces jeux. Donc pour certains territoires, Courchevel, Méribel, La Plagne, il y a eu les jeux d'hiver. Mais ailleurs, en effet, il y a eu cette fête des montagnardes qui s'est pas mal jouée dans les Alpes quand même, parce que il y avait à la fois une initiative d'habitants qui disaient « Mais moi, je vis dans les Alpes, je me sens pas concernée par les Jeux et j'ai envie de faire quelque chose. » Et tu vois, par exemple, dans Belledonne, on a organisé des choses avec les refuges de Belledonne dans le cadre de cette fête des montagnardes. Mais côté Annecy, ils ont plutôt fait des épreuves de sport où ils ont fait à la fois des activités en lien avec l'escalade. Il y a eu des courses d'orientation dans les forêts. D'ailleurs, ils ont été assez créatifs parce que le mois dernier, il y avait une épreuve où c'était à la fois des athlètes de haut niveau et puis en même temps des amateurs. Donc voilà, pour moi, c'est intéressant là cette première fête là qui est toujours en cours là, les montagnardes en 2030, elles sont il y a déjà un élan hein. Et puis j'ai cru comprendre que dans les Pyrénées ils voulaient faire la même fête dans 5 ans, donc on a réussi à faire mieux que les Jeux. Et puis les Jeux quand même ont été marquants, je me rappellerai toute ma vie de ce moment où les grands champions de ski de fond ont décidé de se présenter au départ et de pas lancer la course, et ils sont restés immobiles sur la ligne de départ pour montrer que c'était plus possible. En plus la piste de ski de fond c'était que de la neige artificielle, et ils ont dit on veut arrêter de jouer ce jeu là et ils se sont donné justement rendez-vous lors des montagnardes pour faire une autre course sur ski de roulette cette fois, mais montrer qu'en fait on pouvait continuer à faire leur sport sans faire déplacer comme ça des dizaines de camions, des milliers de tonnes de neige artificielle, ça avait plus de sens. J'ai trouvé que cette tribune des Jeux, cette caisse de résonance des Jeux pour marquer le renoncement, même un peu le deuil de certaines épreuves en disant en fait on veut plus que ce soit comme ça et on n'y participera plus et on vous donne rendez-vous dans un espace, dans un milieu autrement plus favorable à l'essence du jeu, de la compétition, du dépassement de soi, j'ai trouvé ça fort aussi. Tout à fait. C'est vrai que les athlètes, ils ont aussi été inspirants parce que, en fait, finalement, le fait d'avoir là organisé ces Jeux d'hiver en 2030, ça nous a vraiment. Je pense qu'on n'en avait pas besoin, mais malheureusement, ça nous a montré que c'était vraiment plus possible, c'était vraiment plus souhaitable. Et les athlètes l'ont dit, mais même... J'ai affiché dans ma bibliothèque la une de l'équipe, hein, tu sais, les derniers Jeux d'hiver, l'équipe qui titre ça, j'ai trouvé ça fort. Oui, tout à fait. Donc, là, ce qui est, au moins, on marque la fin de quelque chose, mais avec ces montagnardes, là, on ouvre surtout un nouveau chapitre. Et pour le coup, ces fêtes des montagnes, on va pouvoir se permettre de continuer à fêter la montagne dans les décennies qui viennent. Et ça, moi, ça me fait du bien. Les montagnes, aujourd'hui, on peut le dire, hein, je crois qu'elles sont redevenues un peu sacrées. Sacrées parce que elles nous font peur à nouveau. On voit maintenant des villages qui disparaissent sous les éboulements, un barrage qui lâche, un glacier qui cède. Et je pense qu'on a à nouveau, malheureusement, il a fallu attendre tout ça et il faut attendre ces catastrophes pour à nouveau avoir peur et se rendre compte de notre petitesse et parfois de la bêtise, hein, il n'y a pas d'autre mot, de certaines de nos constructions, des installations qui étaient dans des milieux à risque. Et à la fois, on sait aussi que c'est des espaces de soins, hein, les montagnes, qu'elles font du bien au corps, elles font du bien au cœur. C'est remboursé, j'allais dire, par la Sécu, certains stages de reconnexion au vivant, d'aller soigner son mental, de respirer de l'air pur. On y a recréé un vrai lien de régénération dans nos montagnes. En effet. Je pense que ce qui est en train de changer, alors c'est pas encore totalement abouti, hein, on le voit bien, il y a encore des territoires où on est un peu hors sol, c'est presque des bulles d'hyper riches dans certains territoires de montagne, mais ça c'est presque en train de devenir marginal. Là, on voit que on est de plus en plus dans une relation de vivre avec la montagne, vivre avec les risques aussi. Et ça, c'est sûr que ça nous chamboule, hein, parce que il y a encore eu là l'effondrement du glacier là dans la vallée de Chamonix il y a 2 mois. En permanence, on est en train de se dire wow, en effet, nos montagnes elles sont fragiles, et du coup, on cherche à s'adapter, à vivre avec, à repenser nos habitats, à repenser nos moyens de mobilité. On voit bien, par exemple, que des fois, on y arrive. Moi, je vois maintenant, on est 6 ans après la catastrophe de la Bérarde, qui avait quand même fait un coup d'effroi pour tous les amoureux de la vallée du Vénéon. Là, c'est de se dire, oh, on voit quand même que cette vallée, elle reste vivante. On continue à aller randonner, on continue à aller faire de la haute montagne, on continue à aller dans les refuges. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'y va plus comme avant. On est plus sur de la grande itinérance et un peu moins dans... Avant, je me souviens, on prenait la voiture, on allait jusqu'au hameau de la Bérarde. Des fois, certains faisaient une course à la journée et repartaient. Bon, ça, c'est plus possible. Mais tu vois, la vallée, elle reste vivante, mais on a appris à vivre avec les nouvelles conditions que nous ont données la montagne. Et on voit bien là qu'au quotidien, c'est ça que les montagnards sont en train de faire. C'est apprendre à s'adapter en permanence. Et en fait, c'est pas que négatif parce que, à la fois, moi, je vois que nos montagnes, elles sont quand même aussi, justement, très vivantes. Tu vois, certains parlaient en 2025 d'exode des montagnes. Bon, moi, j'y croyais pas à l'époque. Et en effet, on voit bien que c'est pas le cas. Moi, je vois rien que sur les balcons de Belledonne, on a beaucoup plus de commerces de proximité. Il y a beaucoup plus aussi, à la fois, de cafés culturels, d'assauts. Il y a aussi des agriculteurs, des maraîchers là qui se sont installés, et en fait ces dernières années ça bougeait pas trop parce que à la fois nous dans Belledonne on vivait beaucoup en lien avec la métropole grenobloise, donc certains prenaient la voiture le matin, descendaient, remontaient, puis ça faisait un peu village dortoir dans certains endroits. Et là on voit bien qu'avec la hausse du prix du carburant, on est en train de s'adapter, tu vois, et c'est vrai que là il y a beaucoup plus d'autopartage, il y a beaucoup plus d'activités économiques dans les montagnes, beaucoup plus de services publics. Bon, il y a encore du chemin à parcourir, mais tu vois, ça, pour moi, c'est important. Les montagnes, elles sont habitées, mais on est vraiment dans une logique de quand on vit ici, quand on vit en montagne, on vit différemment qu'ailleurs et c'est normal. Parce que nos territoires, ils sont partis. Puis de la contrainte naît la solidarité, la créativité. Donc, on cultive à nouveau en terrasse. J'ai l'impression qu'on est un peu au Machu Picchu, mais c'est quelque chose qu'on faisait depuis, en fait, des centaines d'années. Et il y a plein d'endroits dans les Alpes où on cultivait déjà en terrasse. On a juste remis au goût du jour ces pratiques. Je pense à la Grave. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu des débats sur le troisième tronçon de la Grave quand on voulait construire un aménagement sur le glacier. Et puis, il y avait eu des réflexions, les collectifs citoyens qui avaient porté. Mais non, il y a peut-être une autre vie dans ce village, et notamment autour du maraîchage. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que en 2030, là, on ne vit pas comme en 1930. Mais par contre, clairement, mais en même temps, c'est réapproprier des savoir-faire artisanaux, des savoir-faire agricoles qu'on avait oubliés. Et nos montagnes nourricières, ça c'est quand même... C'est fou de se dire qu'on avait notre lien à la terre, à quel point on commençait à s'en détacher. Avec des variétés spécifiques, en plus, endémiques aux montagnes et tout. Donc ça, c'est chouette de redécouvrir un peu ces cultures-là. Et puis, ce qui me fait marrer aussi, moi, maintenant, c'est de voir les voitures qui descendent à la ville, comme on dit, et de les voir un peu surchargées, comme je voyais les voitures quand j'allais en Espagne avec mes parents qui allaient au bled, comme on disait à l'époque. Et donc, aujourd'hui, les gens qui descendent à la ville, elles passent des annonces quelques jours avant. Qui veut descendre avec moi? Qui a besoin de quoi? Et donc, on fait du covoiturage, on va faire les courses pour l'un, on ramène un truc pour l'autre, on remonte avec tous le coffre de toit absolument chargé, des choses à réparer, des choses à rapporter, des choses à échanger. Et donc aujourd'hui, penser qu'un voyage peut se faire à vide, c'est tout simplement une hérésie. Ah, c'est clair, ouais, c'est clair. Oui, oui, moi je trouve que rien que dans le hameau, il y a vraiment une organisation pour les sujets de mobilité qui est évidente. On commençait des fois à amorcer, mais il y avait encore le confort avant. Et du coup, le confort, il nous amenait des fois à penser plus individuel. Là, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de confort, mais par contre, moi, perso, ça me convient bien aussi, quoi. On fait plus ensemble. Tu parles de toi, justement, question à 10 000 dollars, Fiona, ou à 10 000, attends, quelle est la monnaie locale complémentaire à Grenoble? Ça m'échappe, 10 000 kerns? Je sais pas, mais peut-être 10 000 kerns, ce serait pas mal, ouais. Je crois que c'est le kern, ouais, ouais. Allez, la question à 10 000 kerns, tu fais quoi, toi, en 2030, Gorus? Ah bah moi, du coup, je suis toujours engagée là au gîte d'étape, et puis en plus, là, avec tout l'accueil des classes, etc., crois-moi que je manque pas d'occupation. Parce que on est plusieurs justement à travailler là au niveau du hameau de Frédière, justement pour avoir un accueil à l'année de toutes ces personnes. Donc là, je suis presque à plein temps à Frédière. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je bouge beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, j'ai toujours une vie intense. Tu as refusé de rentrer dans le comité de sortie des Jeux Olympiques qui voulait faire le deuil des JO, imaginer l'après. T'as décidé de refuser ou tu n'as pas su dire non? Ouais, non, je pense que d'autres pourront peut-être s'y engager. Moi, il y a d'autres. J'avais envie avec le jeu, avec le livre, il y a quelques années, qu'il y ait des dynamiques qui s'impulsent sur le devenir de nos montagnes, sur les grandes fêtes. Mais là, je vois qu'il y en a d'autres qui ont vraiment pris en main le collectif des montagnards. Et je trouve ça génial et qui pensent aussi le devenir des Jeux. Et j'ai surtout envie que ce soit eux qui s'engagent. Si jamais on commence à se poser la question de revenir en 2025, à l'époque où on avait cette interview, Fiona, et que les personnes qui nous ont écoutées, elles se sont dites là, comme ça, wow, mais en fait, ces montagnes-là, je les veux tout de suite maintenant. Par quoi on continue? C'est quoi l'action là? On pose le casque, on éteint l'enceinte et on va faire quoi tout de suite pour que ces montagnes vivantes, vibrantes, elles continuent à se déployer partout pour tous? Alors, on peut faire à la fois, je pense, on peut essayer d'organiser une initiative dans son village, dans sa commune, dans sa vallée. Quand on vit en montagne, alors ça peut être un atelier 2030 glorieuse comme porte d'entrée, ça peut être aussi juste un apéro convivial pour apprendre à se connaître. Et puis moi, j'aime bien cette idée que on se retrouve, on apprend à dire mais qu'est-ce qui existe déjà qui nous inspire, mais on se rend compte que voilà, peut-être qu'on se sent un peu seul et comment on fait pour la jouer collective. L'atelier 2030 glorieuse pour se projeter encore plus dans d'autres choses qui nous donnent envie. Ça, moi, je pense que déjà c'est bien. C'est même essentiel. S'engager là où on vit, dans les territoires. Et puis sinon, quand on ne vit pas en montagne, peut-être qu'on peut aller prendre le train, partir une semaine en itinérance quelques jours, et puis emmener quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, ou emmener quelqu'un qui allait en montagne peut-être pour d'autres pratiques avant, et lui faire partager cette joie-là de la montagne et de l'émerveillement. Merci Fiona. Merci Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuse, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.